Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui au programme, menu spécial navet. D'abord, le Corbeau va vous parler de Eurovision Song Contest Story of Fire Saga. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu du mal à prononcer ce titre. Une comédie de Will Ferrell qui, d'après lui, passe un peu à côté de la cible, mais nous le laisserons développer. Ensuite, j'attaquerai avec Borderland, hein, le dernier navet très haut de gamme et bien merdique en termes d'adaptation de jeux vidéo. J'ai encore eu l'impression de me prendre un molard dans le museau. Et alors, comme un bonheur ne va jamais seul, je vous fais le menu avec la totale. Et donc après ça, je vous parlerai de Terreur Cannibale. Je développerai après, vraiment, j'ai même pas envie de vous teaser le projet. Puis de Détour Mortel 4, la suite aussi mauvaise de Détour Mortel 3. Décidément, cette série s'enlise dans la gâteau. Je vais pas être vulgaire dès le début, j'en garde un peu pour tout à l'heure. Bon, écoutons déjà le Corbeau nous parler de Eurovision Song Contest. Lars et Sigrid, deux Islandais, joués par Will Ferrell et Rachel McAdam, ne rêvent que de gagner l'Eurovision. Grâce à un incroyable accident, ils sont qualifiés pour représenter leur pays dans le concours le plus kitsch de l'univers. Alors comment dire, ce film c'est plein de bonnes idées balancées n'importe comment dans une histoire qui s'étire un peu trop et qui est assez mal jouée, ou qui semble se retenir, à vous de voir. Pourtant, entre Rachel McAdams, en chanteuse un peu perchée, Will Ferrell dans son rôle de grand couillon naïf habituel, Dan Stevens en chanteur russe égocentrique et homosexuel, sans compter Pierce Brosnan en patriarche, on avait un casting d'enfer. Et pourtant, comme je le disais, des blagues font sourire, notamment celles répétées sur la consanguinité islandaise, le rococo du concours, les looks improbables, mais le film semble pédaler dans la semoule avec un rythme très laborieux. C'est dommage. J'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être formidable, mais qui a manqué de folie, mais aussi peut-être de rigueur scénaristique. À voir pour les fans de Dan Stevens et de Rachel McAdams. Donc encore une fois, j'ai beau être un peu friand de l'humour de Will Ferrell, là, l'ami Le Corbeau m'a un petit peu refroidi. Je suis pas vraiment sûr d'avoir envie d'aller écouter celui-ci. À mon tour de vous vendre du rêve, on va parler de Borderland. Qui a dit que les adaptations de jeux vidéo étaient systématiquement de la merde ? Bah pas moi, même si la grande majorité ne vaut que la fausse sceptique. Par contre, j'ai déjà dit qu'Eli Ross était un merdeux, et je confirme. Borderland aurait pu être réalisé par Uwe Boll si on lui avait donné le budget. Les jeux ne sont pas d'une grande finesse, mais là... Il n'a retenu que le côté vaguement sale gosse et provoque. Il a collé des décors et du visuel qui correspondent au peu que lui et les marketeurs en ont vu, et roule mon con. Et puis tiens, parlons du casting. C'est qui le crétin qui n'a pas envisagé d'action star dans un film d'action ? Parce que, ok, Kevin Hart m'horripile au plus haut point. Mais il peut être ok dans une comédie, enfin bon, pour les amateurs. Mais là, non. Et Kate Blanchett non plus, pas plus que Jamie Lee Curtis. Ceux qui donnent des scènes d'action pathétiques et ridicules, prendre des poses pseudo-cool sur des musiques métal ne fait pas de bonnes scènes d'action. Il en faut quand même un petit peu plus les enfants. En parlant de trucs foireux, la liste va être longue, il y a aussi les cascades et les poursuites en voiture. Alors que c'est quand même tout le sel de Borderland. Et alors qu'on a vu Fury Road et Twisted Metal et autres Furiosa. Putain, mais ça craint. Et pour rester dans l'horripilant, il y a la voix off et ce foutu claptrap. Ok, il est over pénible aussi dans les jeux. Mais là, putain, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Jack Black, je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est un type qui me déçoit énormément. Alors là, que ce soit en VF, c'est pas de sa faute, ou en VO, c'est de sa faute. C'est un putain d'enfer. Comme le reste de cet étron filmique. Gagnez du temps, faites-vous plaisir, jouez au jeu, ne voyez pas ce film de merde. Je vous avais dit que je gardais les gros mots pour plus tard. Et ben c'était là. Enfin, ça, c'est le début. Maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle dans le jargon des gros morceaux. Des films que même chez Nanarland, ils aiment pas. C'est dire à quel point c'est mauvais. On va commencer donc par parler de Terreur Cannibale. Alors, je vais être tout à fait honnête. Quelques secondes, quand j'achète un film 49 centimes, je m'attends pas forcément à un chef-d'œuvre. Parfois, il y a des bonnes surprises, comme le retour de la créature du lagon, et d'autres fois, eh ben, il y a des hontes intergalactiques, comme ce Terreur Cannibale. Dès les premières secondes, l'image est affreusement dégueulasse, sorte de VHS rip d'une vieille copie VHS dégueu. La musique, une sorte d'hybride entre la musique d'ascenseur et celle d'un film de cul amateur italien. La facture générale, très AB Production, ou encore le putain de logo Eurociné, auront été autant de red flags dans les deux premières minutes. Et c'était vraiment que le début du calvaire. Après ça, viennent les guignolos qui servent d'acteurs à cette infamie, ça joue comme des savates, et encore c'est insultant pour les savates, j'ai vu des pièces de théâtre de la maternelle Notre-Dame de mon cul mieux interprétées que cette merde. Mais quelle indigence putnaise! La tribu cannibale, pour tout vous dire, c'est 7-8 pecnos du cru avec de la peinture sur la tronche, des pagnes en peau de zob retournées, une ficelle dans le cul. Lors de la première scène cannibale, certains plans sont réutilisés 5 à 6 fois, mais à quelques secondes d'intervalle. On se fout de notre gueule, littéralement. Le film est littéralement et accidentellement monté dans le désordre. Et tout ça pue tellement la honte et l'amateurisme que même Jess Franco, le mec qui a jusque-là rien refusé, l'a refusé. Je suis à deux doigts d'inventer une machine à remonter dans le temps pour me dire de pas perdre mon temps à regarder cet infâme étron. Mais c'est un peu une relique de ce que le cinéma pouvait offrir de déviant à cette époque. Disons que je vais le garder pour la culture. Faites pas mon erreur. N'achetez pas Terreur Cannibale. C'est affreusement mauvais. Et ça l'est presque autant que Détour Mortel 4. Je suis prêt à parier que vous allez me demander pourquoi je m'esquinte à continuer à regarder cette série qui pue de plus en plus du cul. Eh, promis, c'est le dernier. J'achèterai pas les autres. Ça va, j'ai retenu la leçon. Il n'y a que les deux premiers qui valent vaguement le coup d'œil. Enfin, moi, le deuxième me fait énormément rire. Mais comme je me suis cogné cet épisode, je vais vous faire gagner du temps, c'est de la merde. Hop, un tout petit poil moins, je m'en foutisse que le troisième opus néanmoins. Les 20 premières minutes peuvent même faire illusion. L'origine de cette tribu de cannibales et leur révolution dans l'asile sont presque intéressantes. Presque, hein, parce qu'après on s'en fout finalement. Et puis boum, retour à la réalité, la bande de trouducs habituels et leur massacre en règle après un tunnel de dialogue aussi creux qu'inutile. Ici aussi, comme dans les épisodes précédents, les personnages ne sont pas farouches et ont le feu au cul. Au début, de manière imagée, puis nettement moins. Autre tout petit point positif, un tout petit peu d'imagination, comme la scène de la fondue bourguignonne. Je vous laisserai voir. Alors, ok, c'est original, mais c'est tout de même trop long, filmé avec le cul et terriblement mal gaulé. Et je ne parle que de cette scène, hein. Pardon, parce que le reste du film a ses défauts aussi, plus une platitude confondante, aucune originalité et des interprètes neurasthéniques. Ceci dit, c'est logique dans un asile psychiatrique. Il est loin le temps où Henry Rollins venait faire le couillon avec entrain dans le second opus. Maintenant, on a la bande de jeunes interchangeables qui récitent leurs plates banalités dans des décors cheap et sans intérêt. Allez aux poubelles, et en plus je me sens même pas obligé de voir les suites. Hop ! Et ben voilà, j'espère que vous avez encore passé un bon début de soirée le dimanche avec nous, que vous, si vous l'avez écouté cet épisode dans la Gazette, j'espère que vous avez passé un beau moment aussi avec nous dans la Gazette, et j'espère que vous pensez toujours à vous abonner à Galaxy Pop Nouveauté, que vous fouillez un petit peu tout ce que le catalogue de Galaxy Pop peut vous proposer, et que vous y trouvez votre compte. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve dimanche prochain. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.